Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado diffusion. Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi en direct dans vos écouteurs, j'espère. Ou dans votre voiture. Ou dans votre... Peu importe. En compagnie d'Antoine Vézina. Salut, Fred! qui me faisait des faces comme s'il n'était pas sûr de ce que je disais. Non, génial, ouais. Mon gars! Ouais. Et les gens ne voient pas mes faces, arrête! Mais je l'ai dit. Ben oui, mais c'est ça. Jean-Philippe Durand! Salut, Fred! Antoine, comment ça va? Antoine, fais pas cette face-là. Mais voyons, de quoi? Je suis que positif. Je te stole. Il fait des fingers. Non, no way. Ouais. Et Mathieu Bouillon. Hey, wow les moteurs. T'as de l'air sur le neutre. Pince sa cloche. Et je m'ennuie du temps où tu disais salut à tous. Ouais. Salut, hein? Ah oui, salut à tous. Salut. Salut. Salut à tous. Ouais, tu dis ça. Oh. Quoi? Je m'haïs. Mais non, Mathieu. Mathieu. Okay. Mathieu. T'as confiance en toi? Ok. Tu veux qu'on change de problème? Tu pourrais être le Mathieu Bouillon dans la mascotte. Mais non, t'es pas celui-là. Alors... Ah oui, t'as la mascotte. Carou et Loupi. Donc, pas de problème, c'est quoi, Mathieu? Pas de problème, c'est la balado de diffusion la plus populaire de 2014. Wow! Donc, oui. Attendez un peu, si vous voulez. Donc, t'as trois personnes intelligentes et un taouin qui prennent les... Je suis pas taouin. J'ai pas de stuc. Qui prennent des problèmes sur les réseaux sociaux et qui font des jokes et comptent des anecdotes de leur secondaire en rapport avec ce problème-là. Exactement. Mm. Exactement. Et qui, accessoirement, le solutionnent aussi. C'est ça? Ouais. Oh. C'est ça? Ouais. J'avais jamais compris c'était quoi. Mais d'ailleurs, on en a un problème cette semaine. Oui, wow, les moteurs! Jean-Philippe? C'est drôle que tu parles de moteur. Ouais, c'est justement un problème de voiture, Mathieu. Tu avais mis le doigt dessus. C'est intéressant. C'est un problème qui nous vient de Maxime Burgoyne-Chartrand. Mmh. C'est le... Excusez-moi, je m'étouffe. C'est une blague de Mathieu qui t'a pris dans mon... Je voyage souvent seul en voiture à cause de mon travail. La route est parfois longue, voire ennuyeuse, et je ne sais plus quoi faire pour me tenir réveillé. Je ne me couche pas trop tard la veille d'un voyage. Sur la route, j'écoute de la musique et je bois du café. Mais à un moment donné, plus rien ne fonctionne. Que faire pour combattre cette somnolence soudaine et surtout indésirable? Mmh. Oh! Ah, intéressant. Est-ce que vous connaissez des trucs, vous, messieurs, à la base? Tout plein. Antoine, vas-y donc. Manger de la glace. Manger de la glace. Mâchouiller de la pourquoi glace? Ouais. Manger de la glace? C'est une très bonne question. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ça garde éveillé. Ah. Écoutez de la musique. Attention, pas de la musique que vous aimez. Ah ouais. De la musique que vous haïssez le plus possible. Ça garde plus éveillé que d'écouter de la musique qu'on aime. Ah. Ben voyons donc. Hein? C'est pas une patente, ça? Ah. Allumez la lumière à l'intérieur de votre habitacle. Parce que la noirceur fait que le corps se prépare au sommeil. Si tu allumes la lumière, ça peut aider. Mais je sais pas pour lui, mais moi, c'est le matin que je m'endors sur la route. Ah? Oui. Vraiment, là, avant midi. Quand j'ai des raids de char avant midi, je m'endors. Faut s'occuper. Le soir... Non! Ah ouais! Non, non. Bon. Donc toi, la lumière, ça ne fonctionne pas. S'occuper, hein, parler avec quelqu'un, dans ce cas-ci, c'est pas possible. Ouais. Chanter, accompagner la musique. Ou si vous mangez quelque chose en petite bouchée. Oui. Soit quelque chose qui est en petite bouchée, ou le faire, ou voyons, j'ai juste tournesol, graines de tournesol. Ah oui. Ouais. Une petite activité. Ouais. Faut que tu l'ouvres, tu taponnes. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je peux pas en manger. Oh. Ben, c'est autre chose, mais tu sais, donc des choses individuelles, des nerds, tu sais, manger un nerd. Ouais. Mais reste que, bon, café, éviter le sucre serait une mauvaise idée. Ah oui? Ah ouais. Ouais, va donner un petit air, mais ça va retomber après. Mais café, okay. Ça peut aider, ou des boissons énergisantes, sur de courts laps de temps, mais il y a toujours un ressac important. La chose à faire, malheureusement, ouais. Il n'y a pas de secret, c'est de dormir. Non, c'est ça, s'accorder le répit de 5 minutes là, sur le bord de ben, ils m'ont parlé, ça dépend, il y en a de 5 à 15 minutes, ouais. Même pas besoin de s'endormir complètement. Ouais. Arrêter fermer sur le bord yeux. De la route. Pas sur le bord de la route, ça pourrait être dangereux, mais s'arrêter dans un... Un rest area. Un rest area, merci. Une zone de... Tout de, arrêté, tu mets ton de détente. Ton alarme, 15 minutes, puis tu repars, puis tu te recouches une demi-heure plus loin. Ah non, mais moi, je l'ai fait. Une fois, en revenant de Rimouski, je m'endormais le matin. Je me suis arrêté. J'ai dormi trois quarts d'heure, là. Parti. Puis claque d'en face. Mais t'as toujours peur. Hein, Ouais, mais à un moment donné, t'as mal à la face. Non, mais c'est ça. Parce que tout ça, c'est des affaires temporaires. Il faut que tu dors. Ouais. Mais donc, là, tu taponnes, tu gosses, là, tu sauves ton... Une demi-heure, une heure, l'heure qui te reste à faire. J'avais entendu parler d'avoir les pieds gelés aussi, de laisser une... Tu peux baisser un petit peu le chauffage. Oh, c'est ça. Enlever tes bottes, te mettre en pied de bas, baisser une fenêtre. Mettons que c'est l'hiver, quelque chose comme ça. Puis supposément que si tu as les pieds gelés, tu peux pas vraiment t'endormir. Y a-tu quelque chose de sexuel, Mathieu? Non. Se jouer après la zone? Non. Non? Ben, c'est une bonne solution, Mathieu. Pourquoi tu craches là-dessus? Parce qu'il faut que tes mains restent à 10h10 sur le volant. Oh, monsieur, je me masturbe dans les transports en commun. Toi, tu chauffes pas, Mathieu. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Comment ça, tu sais ça? C'est un secret pour ceux qui savent conduire. Ben, j'ai fait mes cours de conduite, j'ai juste coulé. Ah ouais? Ah ouais. Tu t'es endormi? Ah, il faut être habile. À Rimouski, ça? Ah ouais. Mais c'était juste des pick-up que vous conduisiez en essai, hein, c'est ça? Ben, je sais pas trop, là. Il y a des médicaments? Ouais. Des pilules? Oui. Des quoi? Des pilules? Ah là, les références Simpson arrivent tout le temps. Quand Homer a été troqueur, il y avait les pilules pour contrer les pilules. Ouais. Exact. Ouais. Mais genre des wake-up ou... Ouais, des wake-up, des speed, des bons, ça sert à différents termes. Mais écoute, il y en a qui existent pour te garder réveillé. Le siège d'auto dans une position inconfortable. Ah ouais. Ou différentes. C'est ça. Genre très. Le siège très. Tu peux t'approcher refermé, de ton micro. Le siège très refermé. Là, fait que là, je fais un mime drôle. Ouais. C'est drôle, c'est drôle, mais pour moi, tu vas rester réveillé. C'est notre prochain concours, ça. Dessiner le mime drôle. Ah oui. Mais non, pas tout de suite. Ouais. T'as fini? ça, c'est un petit. Oui, j'ai fini mes petits trucs. Vous, les gars, est-ce que vous prenez du Red Bull ou ce genre de boisson-là? 5-hour energy? Jamais. Là, ou... Moi, c'est un peu le principe ginger ale, mettons, une fois ou deux ans, puis je le regrette quand j'y goûte. OK. Non, c'est le principe poulet frit Kentucky, ça. Ah oui, excuse-moi, puis c'est la même école. 5-hour energy, là, l'affaire que les jeunes meurent. De plus en plus. Là. Hein? Les gens meurent? Ouais, ben il y a 2-3 personnes aux États-Unis. Ça veut pas dire que c'est pas bon, là. Vas-y, bois-en. Ah oui. J'ai jamais pris ça, j'avoue, mais... Je sais pas. Hey. Moi non plus, tu vas prendre l'avion, tu sais, l'affaire que les gens meurent, là. Ouais, excellent. Ouais. Ben, l'affaire qu'on n'est pas capable de dormir, un avion. Et tant qu'on est mal, incroyable. Nous aurons la boutique Cortex en plein milieu de votre phase REM. On remercie les productions Boily Boileau qui font notre enregistrement aujourd'hui. Et là, il y avait une phase de... Sa joke a piqué. Il n'en revenait pas. Sa joke a piqué. C'était pas à cause du son, c'était à cause du contenu. Hey, c'est un insight universel. On l'a tous mais c'est vrai que l'avion, hein, c'est... Ben, c'est terrible. Et vous, en plus, vous êtes pas, vous êtes de grandeur moyenne, mettons. Là. Ouais. Grand, c'est infernal. C'est le pire moment de ta vie à chaque fois. Ah, il y a des affaires pires, j'imagine. Là, non, mais quand même. On s'entend, là. Mais on a tout à froid chaud aussi dans les avions. On dirait qu'ils ferment leur climatisation à l'année, puis il y a réouvre. Oui. Ah, mais moi, par contre, je partirais ma fragrance. Brise d'avion. Oui. Moi, il y a un petit parfum dans l'avion, donc je m'ennuie pas. T'as pas été assis à côté des toilettes, t'es pas loin. Oui, t'endors pas. Non, mais il y a comme une petite odeur d'avion là, que à un moment donné, tu fais. Je sens encore l'avion une journée après, puis ça me gosse. Ouais. Puis pourquoi ils veulent jamais qu'on ouvre les fenêtres? un peu d'air frais. Ce qu'on peut faire en voiture, ouvrir la fenêtre. Oui. Mais, OK. Bon. Est-ce quelqu'un qui te suit. Ce problème-là, oui. Est-ce qu'il est aussi important quand on est en bateau? Sinon, plus. Mais parce que s'il fait Québec-Montréal, par en exemple, bateau. Imagine, t'es plus occupé en bateau. Ouais. Je sais pas. Ouais. Mais nous, il y a un phénomène ici en Amérique du Nord. On a de longues routes droites où notre cerveau n'est pas sollicité beaucoup. Ouais. Il y a des Européens qui viennent, qui louent des voitures, qui font « Mais comment vous faites? » c'est les routes les plus endormantes au monde. Oui, c'est vrai, c'est fou. Il n'y a rien, puis c'est droit. Souvent, ils ont des tracés un peu plus où tu es occupé à conduire, mais ma foi, tu t'endors pas quand tu es obligé de manœuvrer, puis ça c'est tombe vrai, tout le ça, temps. Ouais. Ben oui, ben oui. J'ai peut-être une solution, vous. Ben oui, moi vous aussi. Mais... Pensez-vous que de laisser la radio à scan tout le long du voyage... Tu sais, t'es comme ressuscité. Puis de jouer avec toi-même à Trouve la toune. Oui. Oh, quelle horreur. T'imagines le soir. Ou ça va plus être Trouve la pub, là. C'est un peu ça. Il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça. Et ça mord le barret. Et là, t'as trois fois la toune à Danny Bédard ou Chantal Toupin qui passe à Rythme FM. Ou les. C'est quoi les Mumford. Mumford and Sons. Mumford and Sons. Ça, je suis tout dedans. Non, mais qu'est-ce que tu disais juste avant? Ça m'a fait penser. À... Non, mais. Les routes ennuyantes. Les routes sinueuses, les routes ennuyantes. Moi, personnellement, et là, je le dis à vous, la police, je roule plus vite. Que la vitesse permise. Fred! Mais voyons donc, Fred, quand ça? Non, mais je me situe un peu plus dans la voie de gauche que dans la voie de droite. OK. Ah, t'es mais, fly. Mais c'est pas, je roule pas comme un fou nécessairement, sauf que à faire des dépassements, à laisser quelqu'un passer, à aller dans la voie de droite quand il n'y a plus personne à dépasser, puis tu sais, il y a quelque chose de... Je suis en train de faire... Je suis en des train manœuvres, d'agir. Ouais. Oui, des manœuvres, c'est ça. T'as pas l'air convaincu, Antoine? Je le suis, c'est excellent. Non, non, mais j'ai... Tu te rappelles, quand on jouait à des jeux vidéo, Antoine, où on allait très, très vite dans des voitures virtuelles... Oui, tout à fait. Plus on allait vite, plus les autres voitures avaient l'air de pas bouger. Tout à fait. C'est ça. Ma suggestion, va... Au bout. Ah, c'est sûr, l'adrénaline embarque à un moment donné, là, à 160. La peur de la mort. Oui, puis là, ding, bien réveillé. Essaye de pogner 180, 200, une fois aux 10 minutes. Avec une police qui te suit aussi, je pense que ça peut être assez efficace. Ouais. Pour te tenir réveillé aussi, texter, tu sais, pendant... Ouais. Yes! Quelque chose d'efficace. Ah, ouais. Non, mais tu trouves quelqu'un qui a l'air sympathique, tu regardes dans les voitures, tu matches leur vitesse, mais tu les précèdes. Oui. Ouais. Quand eux, ils voient la voiture qui s'en va tranquillement vers le fossé, ben ils klaxonnent un petit peu. Bim, bim, bim. Ouais. Ils te ramènent. Comment ça s'appelle, ouais, bon, ça, l'affaire en bordure de route que ça fait du bruit quand tu roules dessus? Un jump. Là? Ouais, je cherchais c'est quoi le nom l'autre fois. Un garde-fou? Ah, ça me revient, un écureuil. Non, les voix rugueuses. Oui, les voix rugueuses. Ouais, ça porte un nom, ça. Ouais, ça fait un bruit de pète. Les bandes de quelque chose. Ouais, c'est les ça. Les bandes. À un moment donné, ça t'endort plus vite si tu restes dessus. Ouais. Ah ouais, ça fait du bien. C'est comme la pluie. T'endormir sa sécheuse, ouais. Ou le son rassurant d'un frein Jacob, là, tu sais, là. Je sais pas, j'habite pas en région. Ah ouais. Des bandes de rugueuses. On va-tu sur Twitter? Ça. Oui! Oui! Kaamelott78, allez consulter pour l'apnée du sommeil. Non, mais peut-être qu'il n'y a pas une bonne nuit de sommeil. Hein? Il ronfle, hein? Ouais, peut-être. Mmh. Ou, ouais. Gab Lefebvre, coller des punaises sur le volant. Hein? Tu tombes. À t'adore! Oui. Engagé, ici on a FG83, attends, je vais essayer de trouver son nom, Francis. Donc, Francis qui nous dit « Engager un majordome à bas prix pour te gifler toutes les 5 minutes. » Oh! Hein? Il fait un rappel. Comme ça, il shades of vigilance au volant. Il nous envoie aussi « Embarquer un pousseux et ou sans abri pour te faire la conversation. » Ah oui, puis plus il est louche, plus tu vas tenir réveillé, tu sais. Ouais. Dominique Barbouchi, je sais pas c'est qui. Oh. Embarquer Mathieu et sa moufette qui pète, ça va te tenir réveillé. Ah oui, c'est vrai. Mais ça peut même engourdir les sens, les pètes. Là, oui. Les pètes, voilà. En général. Les pètes en général. Mais surtout ceux de ma moufette. Je pense que si tu donnes une responsabilité aussi, ça peut être intéressant. Ouais. Comme tu fais, OK, moi je fais le trajet Québec-Montréal souvent. Mm. Puis des fois, ils ont besoin pour transporter des organes pour les transplantations. Oui. Imagine, tu reçois un petit appel, tu dis « Oui, je m'en vais à Québec. Pourquoi? » Ben, on aurait besoin que tu transportes un cœur. Mais Antoine... Vous avez un coffre à gants, monsieur? Ouais. Bon, ben. T'as pas peur que ça te donne la confiance de te laisser aller parce que, de toute façon, si t'as besoin d'un nouvel organe, tu vas l'avoir avec toi. C'est vrai, c'est un des dangers de l'affaire. Ouais. Ouais, exact. Vous dire là, je suis trop fatigué. Cœur, pogne le volant. Au pire, ils vont prendre lui. Ok, c'est bon, c'est pas une bonne solution. Non, c'est une bonne solution, mais je sais juste souligner le danger de tout ça. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, un cœur, à la limite, c'est pas tant... Mettons, moi, transporter des tissus de bras, c'est sûr que je reste éveillé, là. T'sais, man, j'ai des tissus de bras dans mon coffre à gants. Let's go. Let's go, là, on fait de la vitesse, là. Mm-hmm. On célèbre mm-hmm. ça. Mm-hmm. Ouais. Mm. Ouais. Moi, j'ai une idée. Oui. Tu demandes à des amis, tu dis, je m'endors tout le temps au volant, mettons, j'ai 2 heures de route à faire. Ouais. Faites-moi un CD que je vais écouter puis qui va me surprendre avec ouais, c'est bon, des ça. Blagues, vous me parlez, vous mettez des chansons drôles. Pas pire. Vous criez. De la musique classique avec des cris de temps oui. en temps. Ben non, mais moi, je l'ai demandé à mon ami puis il m'en a fait quelques tomes. François Pérus, je sais pas si vous connaissez. Ah. Hey, mais tu dis, mais je pense que ça, ça peut garder éveillé ah un ouais? peu. Au hein? François Pérus, il fait un peu comme Michel Deslauriers, non? Il fait plusieurs voix. Est-ce qu'il fait des spots-là? Moi, je m'entendrai pas. Hein. Non, pas cette semaine. Pas cette semaine. Circuler de reculons. Non, mais je pense que là, tu t'endors pas. Comme le gars dans Côte Berry, Antoine. Oui! Le coup, hey, lui, il est bizarre. Ouais. Il est spécial, check les. Il est pas comme les autres. Yep, yep, yep. Yep, yep, yep. Wow. Ah, ça fait rire. Mais peut-être arrêter de voyager jusqu'à temps que la voiture Google devienne. Ouais. Maître de la route. Ça s'en vient quand, ça fait? Tu nous en parles souvent. Je sais pas. Écoute, ça fait une couple d'années qu'il en roule des voitures oui, déjà expérimentales, des tests qui fonctionnent. C'est quoi exactement? C'est déjà, il y a un conducteur en avant, mais toutes les autres voitures sont comme linkées à la voiture en avant. Aucune idée comment ça marche. Je pense que... Hey, moi, la dernière que j'ai vue, là, elle chauffait pas mal tout seul. Ouais, oui, oui. Mais il y a un chauffeur humain, il y a quelqu'un de responsable humain au bout, peut-être qui ouais. pour assister la machine, mettons. Peut-être. Mais on peut être surpris. Hein? Moi, je dis que c'est peut-être la voiture Alta Vista qui va comme supplanter Google, je pense. Ou la voiture La Toile du Québec. Ouais. La Cara Mazda aussi. Oh, wow! Oui. Malade. Ouais, mais de plus en plus, une voiture moderne et un peu de luxe, ils ont maintenant des détecteurs. Ils voient tes yeux, puis oui. ils voient si tu t'endors, puis ils te réveillent. Ouais. Ah oui, je sais pas. Ils font juste enlever les yeux rouges si jamais quelqu'un prenait une photo. Exactement, ça également. Mais s'ils peuvent détecter ça, ils font « Ah tiens, il est en train de s'endormir, lui. » Mais tu sais, certains GPS, là, moi, que je trouve outrageux, là, c'est ceux qui ont l'option berceuse. Là. Tu sais, là, « Fais dodo. Colin, mon petit frère. » Dans 120 mètres. Non, ils font prendre la sortie. Ah oui, celui-là que c'est Pierre Lebeau qui a fait la voix. Là. Hey. Hey, pas fort ça. C'est vrai. Ton imitation de Pierre Lebeau est bonne, Antoine. Oui. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Qu'est-ce que c'est ça? On avait toujours rêvé de faire le démo de voix de Pierre Lebeau avec un de mes amis. Ah oui, mais non. Non, mais je suis pas capable. Non. Ouais, mais ça fait trop mal, mais. Maître Corbeau sur un arbre tenait dans son bec un fromage. c'est drôle. Mais le transport en commun, je sais pas où il s'en va là. Mais m'emmener. C'est une belle solution. Ça. Mais c'est parce que non, mais on voyage avec quelqu'un. Il dit qu'il est souvent seul là. Ouais. Mais j'écoutais un peu Allô, stop. L'historique là de la voiture et tout ça. Oui. Et, on n'est pas assez proche à ce que les voitures à plus de personnes prennent le dessus mm-hmm. sur les voitures à moins de personnes. Pratiquement individuelles. Oui, pratiquement individuelles. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être essayer de revenir à ça, trouver sa façon de covoiturage. Covoiturage. Oui. Parce que c'est oui, vrai. Allo Stop. Moi, l'autre fois, j'ai pris Allo Stop, puis c'était une vieille lesbienne de région qui me jugeait parce que je prenais pas de caroube. Toi, tu la jugeais pas. Non. Parce qu'elle mangeait du caroube dans l'auto. À manger des biscuits de caroube, je sais pas trop. Ben, en tout cas, toujours ici, j'ai fait semblant de dormir pendant la moitié du voyage. Mais tu sais, c'est plate faire semblant de dormir d'un genre. Hein. C'est pas si pire. Ouais, ben, non, ça se fait bien. Tu fais ça chaud, tu fais ça. Tu... Non, mais tu dors pour vrai pendant une demi-heure. Ouais. Puis après ça, quand tu te réveilles, le rythme lent s'est installé dans l'auto. Fait que t'as le droit de plus parler pendant deux heures. C'est ça. Ouais. T'écoutes Radio-Canada. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, tu parles, mais tu sais, je veux dire. Elle est plate, la maudite madame. Siri, je sais pas. Ouais. Compter des jokes avec Siri, je sais pas comment. Comment faire, mais comment avoir... Siri, c'est sur le téléphone, là? C'est ça? Je connais pas ça. Vas-y, parle-y, Antoine. Je sais même pas comment y aller sur Siri. C'est pas que tu pèses trois fois ou tu laisses ton doigt? Ouais, c'est ça. Siri, trouve-moi une voiture. C'est ça? Siri, trouve-moi une voiture. D'accord. Oui. Je m'endors au volant, Siri. Que faire? Siri, t'es où? Siri, je m'endors au volant. Que faire? Je suis là. Non, mais quelle conne. Là, là, là. Conne. Je m'endors au volant, Siri. Que dois-je faire? Je m'endors au volant. Okay. Que dois-je faire? De voilà. Mais voyons donc. Siri, je m'endors au voilà. Tu vas prendre un au voilà. Que faire? Le voilà. Mais c'est, on parlait des transports en commun. Je m'endors alors au volant. Point d'interrogation. Allons donc rechercher la réponse sur le web. Bon, ok. Bon, ça, c'est pas une bonne réponse. C'est vrai que dans les transports en commun, notamment le métro de Montréal, on peut se laisser bercer. Raconte-moi par la une douce blague. Voix d'Edith Butler qui nomme les stations. Ouais. Prochaine station! Bericam! Hey, là, tu l'as eu parfaitement. Oh mon Dieu! Il y a tellement de gens de moins de 25 ans qui écoutent ce podcast-là. Mais je fais des recherches. Là. Maintenant, il y a Internet. On peut tout savoir hein, en moins de 2 secondes. C'est vrai. Est-ce qu'on pourrait écouter un podcast pour se garder réveillé? Oui. Ah oui. Lequel? Ouais, ça en prendrait un bon? Qui font ça. Yes. Oui, mais j'ai entendu dire que le président des industries Boili-Boileau écoutait un podcast. Oui, ainsi que sa copine aussi, hein, oui. Dans les voitures. Là. Ouais. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il nous aide à faire le son pour pouvoir l'écouter dans une voiture. Ouais, se rester réveillé. Moi, parce qu'il est tanné. Hey. Oui. Non, mais... Ouais, c'est ça. Partager. Changer le mal de place, c'est sûr, c'est un classique, là. Crise et opportunité. Comment on peut y aller avec crise et opportunité? Je m'endors. Je teste les réflexes des autres. Non. Dans la voiture, tu cries. C'est une opportunité de te réveiller. Non, mais tu sais, ça a souvent été une solution à apprendre une langue. Dans le podcast? Oui. Hey, c'est tellement dormant. C'est je sais, là, c'est clair. Non, mais il faut que tu trouves des activités qui occupent plus d'un sens. Alors, c'est une belle occasion là, de faire tes sauces. Tu ben goûtes. Oui. Ouais. Il faut que tu taponnes, il faut que tu réfléchisses. Oui. T'es occupé. Il faut s'occuper. Oui, je pense que tu peux brancher donc, un croque-pot dans le moyen, là, sûrement, là, un casse-tête 3D. T'arrives, c'est fait. Ouais, j'ai le Taj Mahal, mon gars. J'ai tout fait. Un petit frigidaire d'hôtel. Attends, là, c'est le je l'ai, la solution. Tu sais, des wipers qui marchent mal. Ouais, ça garde. Tu sais, puis là, t'as de la glace pognée. Là, faut que tu sortes ton bras un peu. Puis là, tu sais, quand ça part. Tu sais, il y a quelque chose de... Ouais, hey, là, dans une tempête, tu t'endors pas. S'il y a de l'action... Choisir ses moments pour conduire. Oui. Sinon, il fait trop beau, j'y vais pas. Éviter les routes. C'est là que j'embarque. Vous, les gars, qui êtes des anciens fumeurs, ça vous réveillait-tu fumer? Ah, fumer, oui. Ouais. Moi, je me rappelle d'un petit voyage en Europe. Oh, la micro-sieste. Ouais, non, où on fumait au demi-heure, je pense. Même pas, mon gars. Ouais. Une cigarette après l'autre. Ouais. Ah, ouais. Ah, tu t'annules avec ton botch. Mais la micro-sieste, ça, c'est l'anecdote où je dis à Antoine, « Antoine, ça te dérange-tu si je dors un petit peu? » Ben non, vas-y. Puis là, je me réveille. Ah, hey, excuse-moi, combien de temps j'ai dormi? Ah, ça doit faire une minute. Ça a vraiment été ça. Ouais. J'avais... On se réveille en se battant. Hein? Ah, j'ai-tu dormi longtemps? J'ai eu l'impression de dormir une demi-heure. Ah, bon, ouais. C'est pour ça, un petit 15 minutes là, dans le rest area. Ouais. Peut être bien payant. Oui. Mais je suis parti loin, je pense. Un power nap. Ouais. Un power snap. Power snap. Ding. Oui. Hey, le branding, Mathieu, hey, là, tu maîtrises là, ça. Tu maîtrises ça. Depuis 4 semaines. Là. Martin, as-tu une solution, toi? Tu fais beaucoup de route? Il s'endort en nous écoutant. Martin! Voilà. On va aller voir sur Twitter. Oui, on va dans Twitter. Oui. Je les ai lus tantôt. Non, faut être nerveux là. Quelque chose d'illégal. Tu promets quelque chose d'illégal. Une bombe. Là, tu fais... Oui. Si t'arrives pas à l'heure, elle explose ou si tu descends en bas de 50. Le film, là, où il transporte la nitroglycérine, là. Speed? Le salaire de la peur. Oh mon Dieu. Un Crank. Un vieux classique, là, avec. Non, ça, c'est une vieille patate. Vous fouillerez sur Internet, les jeunes. Ouais. Mais pour vrai, avoir bien passé à notre affaire, on aurait pu ponctuer ce podcast-là de cris et de. D'affaires qui feraient faire des sauts. Fait que vraiment, notre podcast serait une bonne yep. idée. Oui. Yep. Yep. Yep. Yep. Hop. Réveil. Réveil. Yo. Mais, ouais. Mais, oui, ça en boucle. Oui. En boucle, tu t'habitues à tout, c'est ouais. ça. Tout t'endors. C'est ça, ça. Mm-hmm. 1953. Le salaire de la peur. Oui. Avec, entre autres, Yves Montand. Ah! Oui, et on est au Guatemala en 1951, après diverses péripéties, blablabla, compagnie pétrolière, blablabla. Il faut qu'il transporte 400 kilos de nitroglycérine répartis en 2 camions jusqu'au puits de pétrole. Wow! Yves Montand, ça, c'est le chum à Annie Dufresne. La tâche ne sera pas aisée quand les routes sont presque impraticables. Le moindre chaos peut donc être fatal. Mais j'en peux plus. Ours d'or, prix d'interprétation, Palme d'or, Festival de Cannes. Toi, t'es as dit tes trucs personnels, Méliès, Antoine. BAFTA du meilleur film en 1955. Antoine, tout le monde a Internet. Wow. Tout le monde a Internet? Non. Je viens de perdre. Non, mais. Ouais, mais faut que tu saches que ça existe quand même. Oui, je sais. Le salaire, la part. Mais ce que je veux dire, tes trucs personnels, t'en as parlé tantôt. Mes trucs personnels, oui, moi j'en ai parlé, je fais ça, là. Mais me donner des claques d'en face, mais tu sais, ça passe, il y a des vagues. De manière, là, je suis en forme, tout est beau. Ouais. D'un coup, ça retombe. Ben, voyons donc. Et les fenêtres. Ben, voyons ouvrez donc. Les fenêtres, là, tu sais, un bon 10 secondes. Là. Des fois, quand il fait. Ouais, c'est ça que je dis, le froid réveille. Crier un peu, changer le poste de radio, monter la musique, chanter. Concours de pète. Concours de pète avec moi-même. On se le cachera pas, c'est une des choses, moi, qui me fait peur. Quand soudainement je me réveille puis je suis en train de conduire dans ma voiture puis je fais ing là j'ai dormi ou j'avais les yeux fermés pendant probablement juste une fraction de seconde mais tu fais hein ça y est j'aurais pu exact Stéphane Roy je vais pas en parler mais c'est endormi voilà on en connaît d'autres Benoît notre musicien arrête non toi oui puis tu parles dans le clos Garou il y a une publicité là de du gouvernement en ce moment là. Exact. Ouais. Non, je pense à cause. Garou, je pense qu'il écoutait un de ses propres CD. Fait que c'est évidemment dormi. Ah oui, Garou. Faut pousser. Je n'attendais que vous. Les voitures là qui vont s'attacher une après l'autre. C'est un peu ça que Google essayait. Oui, il y a ça qui s'en vient. Mais là, ça peut être des voitures ordinaires. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ta voiture, puis sur l'autoroute, ils se reconnaissent, ça crée des convois. Ping. Ça part. Puis là, tu te plugs. Ouais. Ah, lui, c'est un. il y a une bonne cote, il est à 97% de satisfaction. Je fais, ah, je me plug sur lui. Je lui fais confiance. Très cool. Dans le fossé, tout le monde, bang, bang, bang, bang, bang. Il s'endort là-dedans. C'était Garou. Ah, maudit, c'était Penelope McQueen. Celui qui... Non, mais elle, elle s'est pas endormie. Non, elle voulait plugger son iPod, mais tu sais, la plug est dans le coffre à gants sur certaines voitures. Fait qu'elle a transporté un cœur, fait que tasse le cœur. Hey, regardez le cœur, c'est pas une bonne idée. Wouh, en venons-en. Est-ce que je souligne chacune de vos erreurs? Hey, ça finirait pas. Ben, pas en ordre, mais dans chaque débrief qu'on se fait après. Ah oui, les fameux débriefs. Débriefs. Notre lac à l'épaule. Notre lac à l'épaule. Hey, en parlant de débriefs, messieurs. Oui. Il y a quelqu'un qui nous a écrit un commentaire sur iTunes. La balado numéro 1 de la francophonie 5 étoiles. Après avoir découvert récemment cette balado diffusion, je m'en excuse profondément, je ne pouvais plus me satisfaire d'une mise à jour par semaine, si bien que je découvre avec autant de plaisir les premiers épisodes. Très divertissant et parfois utile. C'est le compagnon idéal pour faire de la route en voiture. Mon préféré, clairement Antoine. Non seulement je partage son prénom, mais son style et son approche des problèmes comblent. Ouais, bon, Antoine, je te salue. N'étant pas de sexe féminin, ce n'est toutefois pas sa voix sexy qui me convainc. Ma solution préférée au problème des venteuses fatigantes dans les magasins, tout simplement leur dire de nous masturber. On a-tu dit ça, mon vrai? Ça me semble clair et direct. Contrairement à ce qui est rapporté dans la balado diffusion, ça ne semble pas fonctionner chez Walmart. Mais même que la présence de la police en renfort peut mettre mal à l'aise. Longue vie à pas de probe. Et ça vient de... Perv Smurf. Comment on a pu en arriver là? Est-ce que la je me rappelle pas. Non, mais elle te laisse tranquille. Ça vient de voir. Masturberas-tu? Elle te laisse tranquille. On voulait qu'il nous laisse tranquille. Okay, c'est une façon, je pense. On lui demandait de nous masturber. Ah oui, tu demandes ça. Elle va dire, ouais, mais regarde. Je vais vous laisser regarder. Là, j'en reviens tantôt. Cherchez-vous de quoi dans ne revenons pas sur d'autres problèmes déjà. Incroyable. On peut pas croire. Hey, on écoutera ça. Arrête, là, le majordome, puis tout ça. Toi, tu t'oublies à mesure parce que c'est terrible ce qui on se l'avait passe. On l'avait-tu vu, c'est jamais moi terrible. Qui oui, mais t'étais impliqué là-dedans jusqu'au cou. Non, oui. Je écouté. Hey. Hey, okay. Moi, pour avoir écouté la dernière balado en public, là, j'ai vraiment honte du travail qu'on a fait là-dessus. Ça a pris 155 pour que je m'en rende compte, là, mais j'ai honte. On est rendu à 156! Non! Alors, voilà, les solutions préférées, là, on va y aller, hein? Oui. Moi, là, j'ai quelque chose dans le four. Ma solution préférée, là, moi, je t'écouterais faire Edith Butler de Québec à Rimouski, là. Arrête, fais-moi essayer de tout ça, puis je dormirai plus jamais. T'es de l'autre. Ah, c'est juste la turlute, un peu. Les sauces d'Antoine, clairement. Faire des sauces dans l'auto. Yes! Ça marche, ça c'est bon. Une sauce d'Antoine. Une sauce au vin, ça a vin. Boire beaucoup. Et ça oblige à arrêter pour faire pipi. Oui. De l'eau. Ouais, c'est vrai. Pas de l'alcool. Non, pas de l'alcool, bien sûr. Oui. Mais je pense, j'en ai pas parlé, mais tantôt j'ai dit, moi je m'endormais plus le matin. Mais trouver son moment où on conduit mieux, hein? Mm. Ben, des fois, on n'a pas le choix de conduire à certains moments, mais je sais que moi, c'est ça. Je sais pas. Hein? Mmh. Non. Éviter cette plage-là. Ouais. La compagnie, hein? Quelqu'un pour te chanter des berceuses. Oui. La compagnie. Pendant la compagnie, tu te pars ça, toi. Tu fais, dites-moi votre parcours, donne-moi votre numéro de téléphone. Mmh. Puis je vais vous appeler. Ça peut être la compagnie. Minutes, c'est une blague, une affaire, une question. Un problème mathématique, tu peux choisir avant. Puis... Ouais, la radio, là, faudrait trouver une station qui déménage. Une station qui dit des vraies affaires, comme Radio X. Ouais! Morel. Al. Live. OK. on les salue. Donc... Oui. Je sais pas, hein? Vous avez des problèmes? Vous avez des commentaires, des suggestions de pour notre ami, hein? Qui comment il s'appelle déjà? Voyons. Maxime. Maxime, excuse-moi, Maxime. Eh bien, écrivez-nous soit par courriel, podproblème@gmail.com, pas de problème sur Facebook, sur Twitter, Google Plus, Pinterest. Voilà. Donc, Mathieu? Je l'ai fait la semaine passée, puis j'avais ri de mouille. Jean-Philippe. Avec toi, en même temps. Non. OK. Oui. Un, deux, trois. Fade it. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Oui! nouveau classique. Ah, j'aime pas ça.